tout semble perdu, que l'espoir s'éteint. Quand les ombres s'étendent sur notre chemin, une voix douce et claire résonne dans le vent. C'est la voix de Jésus, le Sauveur tout-puissant. La voix de Jésus peut briser nos chaînes. Elle libère le cœur, apaise la peine. Sa parole est lumière, sa puissance est grande. Il nous relève par son amour, il nous prend. La nuit du doute, il murmure la paix. Il apaise les cœurs, il ouvre un accès. Son amour nous entoure, fidèle et constant. La voix de Jésus nous guide tendrement. La voix de Jésus peut briser nos chaînes. Elle libère le cœur, apaise la peine. Sa parole est lumière, sa puissance est grande. Il nous relève, par son amour, il nous prend. Tendre voix, source de vie, elle redonne l'espoir, elle sanctifie. Les murs s'effondrent, les cœurs s'ouvrent enfin. Sa voix est victoire, son amour est divin. La voix de Jésus. Sa parole est lumière, sa puissance est grande. Il nous relève, par son amour, il nous prend. Écoute la voix de Jésus.